والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فنواصل في فضل رب البرية بشرح الدرر البهية للإمام الشوكاني رحمه الله رحمة واسعة بشرح فضيلة الشيخ أبي الحسن علي بن مختار الرملي حفظه الله تعالى فنواصل في باب الطهارة وبإذن الله اليوم سندخل في كيفية الغسل فأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما إنه تبارك وتعالى على كل شيء قدير. Nous continuons dans le livre Fadl Rabbi al-Bariya sur l'explication de Ad-Durraru al-Bahiyya, les belles perles de l'imam al-Shawkani rahimahullah, et nous nous basons sur l'explication du noble Sheikh Ali ibn Mukhtar Ramli, qu'Allah le préserve. Donc nous sommes toujours dans le chapitre, le grand chapitre de la purification. Et aujourd'hui, nous allons entrer dans un sous-chapitre qui concerne le grand lavage. Le grand lavage. C'est-à-dire comment faire le grand lavage qu'on appelle al-janaba. Alors le cheikh il dit Faslun, le sous-chapitre, قال المؤلف L'auteur du livre, il dit « وَالْغُسْلُ الْوَاجِبُ هُوَ أَنْ يُفِيضُ الْمَاءَ لَجَمِعِ بَدَنِ » Le lavage obligatoire, c'est de verser l'eau sur tout le corps. C'est ce qui est le lavage obligatoire. Lorsqu'on dit la janaba, le lavage de la janaba, ce qui est obligatoire, c'est de verser l'eau sur tout le corps. « Aou » ou bien yan ramisu fi, il plonge dans l'eau. Yan ramisu fi, il plonge dans l'eau. Donc le cheikh Ali Ramli dit bada mantaha al muallif min mujibat al ghusl, après que l'auteur du livre est fini de dire ce qui rend le lavage obligatoire, bada'a, il a commencé bi zikri al wajib fi al ghusl, a mentionné ce qui est obligatoire dans le lavage. Wa huwa, et c'est ifadatul ma'a ala jami'il badan. C'est de verser l'eau sur tout le corps. Aïe, c'est-à-dire, sabbul ma'a, sabb, veut dire en arabe, verser. Sabbul ma'a, verser de l'eau, ala jami'il jism, sur tout le corps. Aou, ou bien, bil ingrimasi. Un rimas, c'est plonger, filma, dans l'eau. C'est-à-dire, ici, il suffit qu'une personne prenne l'intention, il verse l'eau sur tout son corps, il a fait la janaba. Ou bien, il prend l'intention, il plonge dans l'eau. Ça va? Il a fait la janaba. Qawlu, et l'imam Shawkani dit, ma'al madmadati wal istinshaq. Il le fait, avec ce qu'on appelle al-mad-mada et le istinshaq. C'est-à-dire, il fait rentrer l'eau dans la bouche, il remit, il fait rentrer l'eau dans le nez et il renifle. Donc, voilà ce que l'imam Shawkani a dit. C'est-à-dire, la définition du ghusl al-wajib. Chez l'imam Shawkani, c'est de verser de l'eau sur tout le corps ou plonger dans l'eau en faisant en même temps la madmada et le sinchak. Ça va? Mais le cheikh Ali Ramli dit as-sahihu, ce qui est authentique, an al-madmada wal istinshaq laysata wajibatayn. Il dit ce qui est authentique, c'est que al-madmada et puis le sinchak ne sont pas des obligations. La fil wudu, ni dans l'ablution, wa la fil ghusl, ni dans le lavage. Et nous avons déjà vu au sujet de l'ablution. Amma fil wudu, quant à l'ablution, فقد تقدم الكلام في ذلك تقدم يعني أبرسيدي الكلام في ذلك nous avons déjà parlé de cela وأما في الغسل quant au lavage فقد ورد في حديث أم سلمة c'est venu dans le hadith de أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم que le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم أمر أم سلمة il a ordonné à أم سلمة بإفاضة الماء de verser l'eau على نفسها sur elle من غير sans أن يذكر لها sans lui mentionner المضمضة والاستنشاق المضمضة et الاستنشاق donc فيدل ذلك et cela montre على عدم الوجوب c'est-à-dire que ce n'est pas obligatoire parce que dans le hadith de أم سلمة il a dit أنت حيث الماء que tu verses l'eau à la jami ibadanik sur tout ton corps mais il n'a pas mentionné al-madmada wa al-istinshaq donc c'est ce qui montre que al-madmada le fait de faire entrer l'eau dans la bouche et remuer et le fait de faire entrer dans le nez et renifler alors ce n'est pas une obligation parce qu'il n'a pas mentionné dans le hadith de Umm Salama donc ici wa hadith Umm Salama le hadith de Umm Salama et dans Sahih Muslim anna nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala laha que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit innama yakfiki il te suffit antahisi ala ra'siki salas hasayat de verser trois fois sur ta tête summa tufidi alayka alma ensuite tu verses l'eau sur tout ton corps fa iza anti qad tahirti et en ce moment tu es pur wazalika hina sa'alathu an naqdi dhafri sha'riha ra'siha li ghusl janaba lorsqu'elle a posé la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam au sujet de défaire ses tresses lorsqu'il s'agit de du lavage de la janaba il a dit il te suffit de verser l'eau trois fois sur ta tête yani salas hasayat trois coups d'eau, c'est-à-dire trois ghurafat d'eau, tu verses sur ta tête, ça te suffit. C'est-à-dire que ce n'est pas obligatoire pour le lavage de la janaba de défaire les tresses. Ça va? Mais on verra que s'il s'agit du lavage de mansri, le haïd, ou le nifas, alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a rendu cela obligatoire de défaire les tresses. Mais quant au ghusl, ce n'est pas obligatoire. Mafoum. Wa hadith Jabir fi sahihayn. Et le hadith de Jabir qui se trouve dans les deux authentiques. Kana Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il faisait? Ya'khudhu salasata aquf. Il prenait trois poignées. Wa yufidhuha ala rasi. Et il versait sur sa tête. Summa yufidhu. Ensuite, il versait « ala sa'iri yasari » de l'eau sur tout son corps. Et ce hadith se trouve dans les deux authentiques. Donc ici, on a vu déjà que le grand lavage, ce n'est pas compliqué. Tu prends l'intention, tu verses l'eau sur tout ton corps. Khalas. Ou tu plonges dans l'eau. Maintenant, quand tu m'admadas, ce n'est pas obligatoire. Ça va? La preuve, c'est quoi? Le hadith de Umm Salama. Le hadith de Umm Salama et le hadith de qui? Jabir, qu'on vient de voir dans les deux authentiques. Ensuite, qawluhu, la parole de l'imam Shawkani. Waddalku, lima yumkin dalkuhu. Et frotter ce qui est possible de frotter du corps. Toyib, frotter le corps, c'est-à-dire que lorsqu'on se lave, est-ce que c'est une obligation de frotter le corps, ce qui est possible de frotter? Parce qu'il y a des parties qu'on ne peut pas frotter, telles que le dos, n'est-ce pas? Tayyib, est-ce que cela est une obligation? Alors, le cheikh Ali Rami dit, « Ikhtalafa ahlul ilmi ». Les savants se sont divergés « fidalki » dans le fait de frotter. Ma yumkinu dalkuhu, ce qui est possible de frotter du corps, min al-jism. Al huwa wajib, est-ce que c'est une obligation? Am takfi al-ifada, ou bien il suffit de verser de l'eau sur tout le corps. وحديث ام سلمة ركزوا concentrez-vous ici, vous allez voir les simbas des savants. Le hadith de Umm Salama et le hadith de Jabir qui a précédé Yadullani montre ici ala anna mujarrad al-ifada, montre que le simple fait de verser de l'eau sur le corps kafin fil ghusl, suffit dans le lavage. N'est-ce pas? Est-ce qu'il y a frotté dans le hadith? Là, wa anna dalq, et que frotter laysa wajiban, ce n'est pas obligatoire. Wa huwa sahih, et c'est ce qui est authentique. Wa huwa qawlu aktharul ulama, et c'est la parole de la majorité des savants. Wa kadhalika hadith Aisha, et de même faisons les simbat encore avec les savants qui font les simbat. Dans le hadith de Aisha, le hadith de Maimouna qui parle du lavage du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui sont dans les deux authentiques, فَإِنَّهُ لَمْ يَرِدْ فِيهَا دَلْكُ ذِكْرُ دَلْكُ, la mention de dalq n'est pas arrivée. Dalq, c'est-à-dire frotter, ce n'est pas arrivé. وَوَرَدَ فِيهِمَا الْغُسْلُ الْكَامِلُ, et le lavage complet est venu dans les deux hadiths, et le lavage mustahab est venu, préférable. Est-ce qu'il y a le dalq? Il n'y a pas de dalq. قَالَتْ عَائِشَة, Aïcha dit, كان النبي صلى الله عليه وسلم لمساجد الله صلى الله عليه وسلم كيف فعل اذا اختلس من اذا اغتسل من الجنابه si vous voulez laver, faire le grand lavage, بدا فغسل يديه, il lavait ses deux mains, ثم توضى, il prenait l'ablution, كما يتوضى للصلاه, comme il prenait l'ablution pour la prière, ثم يدخل اصابعه, ensuite il fait rentrer ses doigts, fait le ma dans l'eau, fayatakhallal ou fayukhillil biha usul ash-shari. Al-takhlil, c'est le fait de faire rentrer les doigts dans les racines des cheveux, ensuite les racines de la barbe. C'est ce qu'on appelle al-takhlil. Donc qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait le takhlil. Summa yasubbu ala ra'sihi salat ghuraf yaday. Et il prenait trois puissages, c'est-à-dire il puisait trois fois et il versait sur la tête. Summa yufidu ala jildihi kulli. Et ensuite il versait l'eau sur toute sa peau. C'est-à-dire tout son corps. Toyib. Est-ce qu'il y a le dalq? Wa hadith Maimouna, le hadith de Maimouna aussi, elle dit wada'tu linnabi sallallahu alayhi wa sallam ma'an. J'ai déposé de l'eau pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, faghassala yadayhi marratayn. Il a lavé ses deux mains deux fois, aw salasan, ou bien trois fois. Summa afragha ala shimalihi. Ensuite, il a versé l'eau sur sa main gauche, faghassala madakir. C'est-à-dire, il a lavé ses deux sexes. Mafoum? ثم مسح يده بالارض, ensuite il a essuyé sa main au sol. ثم تمضمض, il a fait la madmada, واستنشق, il a fait l'istinshaq, او غسل وجهه ويدين, où il a lavé son visage et ses deux mains. ثم افاض على جسده, il a versé l'eau sur tout son corps. ثم تحول, ensuite il a changé من مكانه, d'endroit, فغسل قدميه, il a lavé ses deux pieds. C'est comme les hadiths d'Aïcha. Mais la différence dans les hadiths de Maïmouna, c'est qu'il a lavé ses deux pieds à la fin. Mais le hadith d'Aïcha, il a lavé les deux pieds au début, c'est-à-dire lorsqu'il a pris l'ablution. Mais dans le hadith de Maïmouna, il a fini de faire l'ablution, il a retardé les deux pieds, il a versé l'eau sur tout son corps d'abord, et maintenant il a changé d'endroit et il a lavé ses deux pieds. Ça va? Est-ce qu'il y a le dalq? Nda. Donc ici, le dalq n'est pas obligatoire. Frotter. Parce qu'il y a d'autres qui se soucient de ça. Est-ce que j'ai pu frotter telle partie? Est-ce que c'est Al-Ifada qui est venu? Verser de l'eau sur tout le corps. Sois sûr que de l'eau a pris tout ton corps. Ça va? Sois sûr de cela. Nam, qawluhu, et sa parole. ولا يكون شرعيا Le ghusl ne sera pas shar'i illa bin niyyati, que par l'intention, les raf'i mujibi, afin d'enlever ce qui a rendu le ghusl obligatoire. Est-ce que vous comprenez? Soyez. Aïe, c'est-à-dire, le cheikh Ali Ramli dit, la yakunu al-ghusl ghuslan shar'iyyan. Le lavage ne sera un lavage shar'i illa bi aqdi an-niyya alayhi, que par le fait de nouer l'intention sur cela. Le qawli sallallahu alayhi wa sallam, à cause de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit innama al-a'malu binniyat. Les actions sont basées sur les intentions, wa innama likulli imrin ma nawa, et chacun aura yani comme hasanat ce qu'il a pris comme intention. Donc, al-hadith. Le hadith est connu, c'est le hadith de qui? Le hadith, il n'a mal à mal minier. C'est le hadith de Omar. Un autre compagnon a rapporté le hadith? Hein? C'est Omar seul. Tayyib. Wal-ghuslu, le lavage, ibadatu min al-ibadat. Le grand lavage est une adoration parmi les adorations. Wal-mujib, ce qui rend le ghusl obligatoire, ay allazi awjaba al-ghusl, ce qui rend le ghusl obligatoire. Wa huwa ma taqaddam, c'est ce qui a précédé min nuzul al-mani, tel que le fait d'éjaculer, wal iltiqa al-khitanain, ou bien le fait que les deux sexes se rencontrent. Qawluhu, la parole de l'imam Shawkani. Wa nudiba taqdim ghusl a'da'i al-wudu illa al-qadamayn. Wa nudiba, nudiba bimana yustahab, c'est préférable de dévancer le lavage des autres membres de l'ablution sauf les deux pieds, comme dans le hadith de Maïmouna, n'est-ce pas? Lima taqaddama min hadith Aisha wa Maïmouna radiallahu anhuma. Donc comme ce qui a précédé du hadith de Maïmouna et de Aisha. والدليل على ان الوضوء الابرز كي مونك لابيسيون في الغسل ليس واجبا كي سي نيبا اوبليغاتوار سي حديث دي ام سلمة الى حديث كي جابر نيسبا اي دوتر ميم حديث كي لو شيخ نبا رابورتي سي سوا. وقد نقل اهل العلم لي سافون رابورتي الاتفاق. Al-Ittifaq, c'est quoi? Le consensus. Ça va? Vous rapportez le consensus à la anna al-wudu, que l'ablution. La yajibu fil ghusl. Ce n'est pas obligatoire dans le grand lavage. Fadqad qala al-Nawawi fi kitabihi al-Majmu'. L'imam Nawawi a dit dans son livre al-Majmu', al-wudu sunnah. Le wudu, c'est une sunnah. L'ablution fil ghusli, c'est une sunnah dans le lavage. Wa laysa bi shartin. Ce n'est pas une condition, wala wajibin, et n'est pas une obligation. Donc ici, alaykoum anta tasawwaru, la différence entre at-tabarrut et puis al-ghusl, c'est le niya. Vous connaissez at-tabarrut? At-tabarrut, c'est le fait de se rincer. La différence entre se rincer et le grand lavage, c'est quoi? La niya. Est-ce que vous comprenez? C'est la niya. Mafoum? La région est facilitée. N'allez pas vers ceux qui disent il faut diviser son corps en quatre là. Hein? Prenez ce qui est facile. Non. Hada mazhabuna. Le cheikh Ali Ramdi dit voici notre mazhab. Ça va? Il n'a pas créé un cinquième mazhab. Il est derrière les savants. Imam Malik, Imam Shafi, Imam Abu Hanifa, Imam. Hein? Ahmed. Ma saha dalil alay. Ce que la preuve montre de façon authentique, natabi'uhu. On suit. Ça va? On suit cela. Mais ce n'est pas interdit de s'affilier à un mazhab. Ça va? D'autres savants même disent que c'est préférable de s'affilier à un mazhab. Mais de ne pas rester derrière le mazhab comme imam, comme une marionnette. C'est-à-dire, mazhab, ce que mazhab dit, toi tu es déçu. Même si la preuve est contre ça. Là, c'est ce que les savants ont blâmé, et c'est ce que Cheikh Albani rahimahullah a mentionné dans son Muqaddima de Sifat As-Salah. Il a mentionné cela. Donc, c'est préférable de suivre le Dalil. Quand on voit certaines personnes qui disent, non, moi je suis Malikite. Non, toi, Yib, anta Malikite. Hein? Ou bien anta Hanbali. Ou anta Hanafi. Ou anta Shafi. Hein? Il a ta Shafata ou ta Hanbalta. C'est-à-dire, si tu es rentré dans le mazhab de Shafi, ou ta Hanbalta. Hein? Ta Hanbala, c'est devenu Hanbalite. Tu es rentré dans le mazhab, la Bouddha anta taqayyad bi Dalil. Tu dois te restreindre par le Dalil. Là où il y a la preuve. Ça va? Tu suis. Walau kana inda Shafi'iyya. Walau kana inda man? Al-Malikiyya. Walau kana inda al-Hanafiyya. Ou ghayr zalik. Tu dois rester derrière la preuve. Parce que nous, on est des salafis. Nous, ashab, al-Dalil. On est des salafis. On a qu'un farq bayna manhaj. Le mazhab al-fiqhi, hein, entre le mazhab al-fiqhi et puis le manhaj. On est tous des salafis. Mais parmi nous, il peut y avoir des malikites, des hanbalites, des hanabila, c'est le prière des hanbali, hanabila. Il peut aussi y avoir des shafi'iyya. Chacun peut dire, je m'affilie à un mazhab. Ça va? Ça, ce n'est pas interdit. Mais nahnu jami'an, on est sur une seule aqida. Mais tu vois de cela l'ignorant de certaines personnes qui se disent, je ne suis pas salafi. Je ne suis pas ikhwani. Je ne suis pas tabligh, mais je suis maliki. C'est ça. Mazhab. On parle de l'aqida, le mazhab, des salaf. Est-ce qu'il y a plusieurs mazhabs? Hein? C'est une ambiguïté de dire aux gens que le mazhab de l'imam Malik, c'est l'aqida qu'il a eu in farada bihi. Une aqida spécifique qu'il a eu. Là, c'est mazhab al-fiqhi. Ça va? On a qu'un ikhtilaf bayna al-ulama. Il y a des choses qui ont été dites dans le mazhab de l'imam Malik. L'imam Malik n'a pas dit, ce sont les ashabul maliki qui ont dit cela. La même chose, il y a des choses qui ont été dites dans le mazhab de l'imam Ahmad que l'imam Ahmad n'a pas dit. Ce sont les ashabul hanabila. Ne pensez pas que lorsqu'on dit le mazhab de l'imam Malik a dit cela, c'est forcément l'imam Malik qui a dit. Là, c'est ce que vous devez comprendre. Il y a des savants qui sont venus après lui, qui sont affiliés à lui, et qui ont envoyé des aqwals que l'imam Malik n'a même pas dit. Est-ce que vous comprenez? Regardez la risala de Abi Zayd al-Qayrwani, qu'il a écrit dans Mazhab l'imam Malik. Il dit des choses même qui contredisent ce que l'imam Malik était dessus. Est-ce que vous comprenez? Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la compréhension. Toyib. Ensuite, il dit ici, هذا مذهبنا, voici notre voie. وبه قال العلماء, c'est ce que les savants disent, كافتون, tous les savants, إلا ما حكي عن أبي ثور وداود, sauf ce qui a été rapporté de Abi Thawr et Daoud, أنهما شرطان. Ils ont dit que ce sont des conditions, c'est-à-dire, le fait de faire la madmada et l'istinchaq, ça va, et de faire l'ablution dans le wudu et aller dans le rousse, ils ont dit que ce sont les conditions. Mais cette parole est marjou, c'est-à-dire défavorisée. Haka wa ashabuna anhuma. Et le cheikh dit, nos compagnons, c'est-à-dire des savants, ont rapporté cela d'eux. Wa naqala Ibn Jarir, l'imam Ibn Jarir a rapporté al-ijma, le consensus, ala annahu la yajib, que ce n'est pas obligatoire. Summa zakara al-adilla, ensuite il a mentionné les preuves ala adami wudubihi, sur le fait que ce n'est pas obligatoire. Wa qala l'imam Shafi'i rahimahullah, l'imam Shafi'i dit, faradallahu ta'ala al-ghusl mutlaqan. Allah a rendu obligatoire le grand lavage, mutlaqan, de façon absolue. Lam yadhkuru fi shay'an. Il n'a pas mentionné quelque chose, yubda ou bihi qabla shay, qu'on doit commencer avant une autre chose. Hein? N'est-ce pas? Le grand lavage, laver tout le corps. Il a dit commencer le pied, la main, ça, il a dit laver tout le corps. Ça va? Fayakfiha ja'a bil muqtasil. Donc tout ce que le muqtasil va envoyer suffit. Ajza'ahu. Cela lui suffit. Iza ata bi ghusl jami' badani. S'il vient à laver tout son corps, alors ça lui suffit. S'il veut, il commence par le pied. Hein? Il commence à laver son pied. C'est qu'elle suit, s'il veut, il commence par le pied, il remonte sur la tête. Ou bien il commence par la tête, il descend. L'essentiel, il doit laver tout son corps. Maintenant, si tu veux faire le ghusl mustahab, c'est quel ghusl? Le lavage mustahab, c'est quel? Hein? C'est faire avec l'ablution, toyib. Donc, amma ta'khir, ghusl al-qadamayn, le fait de retarder les deux pieds. Fajaa fi hadith Maimouna. C'est venu dans le hadith de Maimouna. Wa Aisha, mais le hadith de Aisha radiallahu ta'ala anha, lam tazkur zalik. Elle n'a pas mentionné cela. Fazahir, ce qui est apparent, anna taqdim wa ta'khir. Le fait de devancer, retarder, kilahuma sunna. Tous les deux sont la sunna. Hein? Fawarawat, kull wahidatun minhuma mara'at. Chacune des femmes a rapporté ce qu'elle a. Elle a vu. Tayyib. Qawluhu. Ensuite, la parole de l'imam Shawkani. Summa tayamun. Ensuite, tayamun. Mamana tayamun. Al-badu bi bil-yamin. Hein? Commencez par la droite. Aïe. Antabda bil-mayamin mustahab. Commencez à laver le côté droit et mustahab. وذلك لما صح عنه صلى الله عليه وسلم سلا اقول سكيته اوتنتيفيه دي ميساجي د الله صلى الله عليه وسلم انه كان يبدا كي كوماسي بشق راسه c'est-à-dire la partie droite ayman de sa tête وهو في الصحيح et c'est dit en le sahih وجاء في الصحيح سبن الصحيح انا عائشه d'après عائشه قالت ادي كنا إذا أصابت إحدانا جنابة. On était, lorsque l'une d'entre nous était atteinte par la janaba, أخذت بيديها ثلاثا فوق رأسها. Elle prenait avec sa main de l'eau et versait sur sa tête trois fois. ثم تأخذ بيديها على الشق الأيمن. Ensuite, elle prenait l'eau et puis maintenant elle versait sur le côté droit. وبيديها على الشق الأيسر. Et maintenant, elle versait sur le côté de sa tête gauche. Donc, ce hadith vient dans Sahih Bukhari. Mais cela indique quoi? Ala istihbab al bad'i, le caractère préférable de commencer bil yamin min ar-ras, du côté droit de la tête. On a parlé de quoi ici? La tête ou bien le corps? La tête. Tayyib. Wa amma al badan, quant au corps. فقال ابن رجب في فتح الباري ابن رجب أدينا فتح الباري فتح الباري سيدي ذكي عفيف ابن هجر الصحيح سكي ابن رجب إلى فتح الباري إلى فتح الباري mais lorsqu'on dit فتح الباري tout revient on pense directement à عفيف ابن هجر الأسقلاني Ibn Rajab, il a un livre qui est Fath al-Bari. Mahoum, Tayyib. Donc, ici, Ibn Rajab, il a dit dans Fath al-Bari, « Wa kadalika al-buda'a bi janib al-badani al-ayman » Commencez avec le côté droit du corps, « Falaysa fihi hadith sore » Il dit, il n'y a pas un hadith clair dessus. « Wa innama yukhaz » Mais on prend « min umumi qawli Aisha » La généralité de la parole de Aisha, « Kana al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam » Quelle est sa parole? Elle est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, kana yasahibu. Il aimait at-tayammun, de commencer par la droite, fi tuhurihi, dans ses purifications. Il aimait commencer par le côté droit. Ça va? Par la droite. La droite. Donc, si on prend cela, on peut dire le corps, le côté droit, là-bas, ça vient, puisque le hadith est général. ومن قول النبي صلى الله عليه وسلم في غسل ابنته لما ماتت الى parole du messager d'Allah صلى الله عليه وسلم lorsqu'on lavait sa fille lorsqu'elle est décédée alors ابدأنا il a dit aux femmes de commencer بميامينها son côté droit ومواد الوضوء منها et les endroits d'ablution و Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam intaha. Et Allah, purité à lui, est le très élevé, il est le savant intaha. Pourquoi les gens de la sunna, daïman, lorsqu'il veut dire Allah, il dit subhanahu wa ta'ala, daïman subhanahu wa ta'ala. Subhanahu wa ta'ala. Subhanahu awalan, c'est de chasser toute imperfection que les jahmiyyah, les ashaira, les matrudiyah, les kafara, les mulhidin, ils collent à Allah subhanahu wa ta'ala. Et maintenant, on dit wa ta'ala pour le contredire. Parce que Allah, il est élevé. Voilà aqidatuna wa aqidatu ahli l'islam. Voilà naqulu faqat aqidat ahli sunna. On va dire seulement c'est l'aqida des gens de la sunna, mais c'est l'aqida des musulmans. Ça va? Des musulmans. Et cela est connu depuis le temps des compagnons jusqu'au tabi'in. C'est les ahlul kalam qui sont venus après. Sinon, al-fitratu salima wal-aql salim. La bonne fitra et le bon aql. Les compagnons, les tabi'in, personne n'a posé la question à ce sujet. Voilà pourquoi l'imam Malik a dit as-su'alu anhu bid'ah. Poser la question à ce sujet est une innovation. Limada. Parce que personne n'a posé la question à ce sujet. Comment Kaifa Istawa, comment Allah s'est établi sur le trône. Est-ce qu'un compagnon a posé la question à ce sujet? Là. Parce que Al-Aqlu Salim ou Al-Fitratu Salima, la raison saine, c'est pas la raison qui est corrompue, qui est gâtée. Celui qui pense qu'il est intelligent alors qu'il est le plus idiot. Là. La raison saine, c'est de comprendre ces choses-là. Voilà pourquoi si tu vas dans une mosquée, tu vas trouver un vieux qui est assis, il n'a pas étudié, un vieux qui est, il connaît rien. Et puis tu lui demandes, Yachir, Allah, il est établi sur le trône comment? Lui va te dire, aïe, il est établi, indahal maudou. C'est-à-dire, lui, il comprend. Est-ce qu'on a besoin de grandes sciences pour comprendre ça? Là. Mais si tu lui demandes comment il est établi, celui qui a la raison saine, il va te dire non, mais Allah nous a dit quelque chose, le reste, nous, on ne connaît pas. Ou bien, le reste, nous, on ne connaît pas. Il nous a dit quelque chose, nous, on ne connaît pas le reste. Donc voici Al-Aql Salim. Voilà pourquoi Cheikh Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, il dit une parole qui est célèbre. Il dit Laoula Ahl al-Bida. Ma takallamna fi sifat. Il dit si ce n'était pas les innovateurs, on n'allait pas parler sur le sifat. Pourquoi? Parce que ça c'est connu. Mais comme ils sont venus, ils ont rentré les raisons, ils ont commencé à enlever les noms d'Allah et ses sifat dans leur contexte, il fallait maintenant que les gens de la sunna fassent quoi? Clarifie maintenant aux gens. Sinon si ce n'était pas eux là, on n'allait même pas parler. Parce que tout le monde comprenait ça. Vous comprenez? Allahul Musta'an wa alayhi tuqlan. Donc ici, on va rentrer maintenant dans un autre fasl, un sous-chapitre. Qawluhu, la parole de l'imam Shawkani. Il dit wa yushra'u li salati al-jumu'ah. Alors, il est légiféré pour la prière de Jumu'ah de faire quoi? Ghusl al-jumu'ah. Le lavage de la Jumu'ah mustahab. Est préférable. C'est-à-dire, est préférable, mais pas obligatoire. Le Qawl du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ghusl yawm al-jumu'ah, écoutez, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit le lavage de la Jumu'ah wajibun. Il dit c'est une obligation, ala kulli muhtalim. C'est toute personne, muhtalim, pubère. Ça va? Muttafaqun alayh. Mais ici, il a dit quoi? Wajibun. Et nous, on dit que ce n'est pas obligatoire. Wa qawluhu. Et la parole du professeur al-Salam encore. Faiza jaa ahadukum al-jumu'ah. Si l'un d'entre vous vient à la prière de Jumu'ah, fal yaghtasil. Qui se lave? Fal yaghtasil. Ada fil. Amr. C'est un ordre. والامر يقتضي ماذا الوجوب. L'ordre implique l'obligation. Taïb. Mais ici, ce hadith aussi est mutafakun alayh. Taïb. Mais pourquoi ce n'est pas obligatoire? Écoutons. قال الإمام الشافعي رحمه الله اهتم الوجوب l'obligation ici comprend هنا ici hein معنيين deux sens الاحتمال c'est supposition mais quand on dit اهتمال c'est-à-dire ça peut comprendre deux choses مفهوم الظاهر منها ce qui est apparent de ces deux hadiths أنه واجب que c'est obligatoire. Fala toujours tahara les salat de Jumwa il avait le rousse. Donc, cela montre que la purification pour la prière de Jumwa n'est pas correcte si ce n'est que le grand lavage. C'est compris? Wahtamala. Mais, il comporte ici aussi, anna wajibun fil ikhtiyar. Que c'est une obligation dans le choix. Wa karamil akhlaq. Et le bon comportement, wa nazafa, et la propreté, wa nafi taghyir ri, afin de changer la mauvaise odeur, inda ijtima'i nas, lorsqu'on se rassemble avec les gens. Kama yaqulu rajul li rajul, comme l'homme dit à son compagnon, wajaba haqquka alayya, ton droit, c'est obligatoire sur, yani, ton droit sur moi, et que إِذَا رَأَيْتَنِي مَوْدِعًا لِحَاجَتِكَ si tu me vois dans un endroit pour ton besoin. C'est-à-dire ici, il veut dire quoi? Il veut dire que, comme tu dis à un homme, il met obligatoire sur toi de faire ceci lorsque je te vois dans un coin. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, lorsque je te vois dans ce coin-là, c'est obligatoire pour moi de faire telle chose. Ma femme, ثم رجح المعنى الثاني l'imam Shawkani il a mis le deuxième sens comme ce qui est prépondérant ma anna al-awwal wa dhahir malgré que le premier est ce qui est apparent qui est l'obligation vous comprenez walakinahu ata mais il est venu bi dalil yadullu ala anna al-ma'na al-thani avec une preuve qui montre que le deuxième sens qui est, ce n'est pas obligatoire wa dhahir bi dalil c'est ce qui est apparent dans la preuve et c'est ce sur quoi on se base. والدليل الذي استدل به que la preuve que l'imam Shafi'i s'est basé dessus. Hadith Omar. C'est hadith Omar. إنما دخل عثمان يوم الجمعة. Lorsque Ousmane est rentré le jour de la Jumwa, وعمر على المنبر. Omar était sur le minbar, يخطب. Il faisait la khutbah. أنكر عمر على عثمان. Omar a déprécié ce que Ousmane a fait comme quoi ta'akhur, son retard. Fa'atazara. Ousmane a présenté des excuses. Bi annahu irtasala fi souq, ishtaghala fi souq. Ousmane dit qu'il était occupé dans le marché. Summa ja'a lamma sami'a an-nida. Et il est venu lorsqu'il a entendu l'appel à la prière. Wa lam yazid ala an tawadda. Mais il n'a pas fait plus que le fait de prendre les ablutions. Voilà la preuve que Ousmane a présentée à Omar. Hein? Faqala lahu Omar. Omar lui a dit, al-wudu aidan. L'ablution aussi. Wa qad alimta. Alors que tu sais, anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ya'mur bil ghusl. Il leur donnait de prendre, de faire le grand lavage. Qala Shafi'i. Shafi'i dit, لم يترك عثمان الصلاة للغسل. Ousmane n'a pas laissé la prière de Jumwa parce qu'il n'a pas fait le grand lavage. Il a prié malgré que il n'a pas fait le grand lavage. ولم يأمر عمر. Omar ne l'a pas ordonné bil khuruj lil ghusl. Il n'a pas ordonné à Ousmane de sortir pour faire le grand lavage. دل ذلك سلامت على أنهما كلا دو قد علما ils ont su أن الأمر بالغسل الاختيار que l'ordre du lavage c'est l'ordre qui est lié au choix celui qui veut le faire alhamdulillah نعم ici Comment t'arrives-tu à Omar? Si c'était une obligation, Omar allait dire à Ousmane, une obligation, c'est-à-dire, la salat du Jumwa n'est pas courée sans le Rasoul, Omar ibn Khattab, il allait ordonner à Ousmane de sortir. Il y a en cela le fait que les Sahaba, radiyallahu anhu, ils s'ordonnaient le bien et s'interdisaient le mal. Omar a laissé ce khutbah. Il avait Ousmane venu sans le Rasoul. Fa'addabahu amam an-nas. Il a dit, pourquoi tu n'as pas fait le Rasoul? Pourtant, Ousmane, c'était un wazir. Aussi du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Kama yakulu ulama, les savants disent que Omar wa Abi Bakr wazirani. Ils sont les deux ministres du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hein? Ils sont les deux ministres. Mais Ousmane al-Hakku, c'est qu'Ousmane aussi, il était le wazir. Il avait une grande place auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais cela n'a pas empêché Omar de le rectifier. Mais c'est ce qui est notre maladie aujourd'hui. On ne se rectifie pas. Non, nous natajamal, tajamul. Hein? Natajamal. Vous connaissez, atajamul, c'est la flatterie. On se flatte. Hein? Lorsque un fait une erreur, on se tait. On dit non, vraiment, si on parle, ça va créer la fitna. Hein? Ma hasala al-din. Ilayna illa bi ikhlasi man taqaddam. Cette religion n'est pas arrivée à nous de façon pure, si ce n'est que la sincérité de ceux qui nous ont précédés. Sincérité, aywa l'ikhwa. Se conseiller. Voilà, al-muqtada al-ukhwa al-imaniya. Voici ce qui implique la fraternité. La fraternité, c'est quoi? An tuhibba li akhik ma tuhibbu li nafsi. N'est-ce pas? Aimer pour ton frère ce que tu aimes pour toi-même. Et le cheikh Abdelaziz, Saal ibn Abdelaziz al-Sheikh, l'ancien wazir de Mamlakat al-Arabiyat al-Saoudiya. Actuellement, c'est le cheikh Abdelatif al-Sheikh qui est le wazir, le ministre des affaires religieuses. L'ancien wazir, c'était le cheikh Saal ibn Abdelaziz al-Sheikh. Dans son explication de Arbaouna Nawawi, il explique ce hadith-là. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Il dit, l'un d'entre vous n'aura pas, comme le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit, la foi complète jusqu'à ce qu'il aime pour son frère, ce qu'il aime pour lui-même. Il dit, mais lorsque ce hadith, écoutez bien ce que le cheikh dit ici. Il dit, mais lorsque ce hadith est mentionné, yatabadaru zihn, c'est-à-dire, la tête ou bien la réflexion va directement sur les choses de la dunya. N'est-ce pas? Il dit, wahaza, il dit, le fait d'aimer cela pour ton frère Kodiakou Numakuruhan, ça peut être détestable. Comment? Parce que Allah peut te faire un bien, qui est un bien pour toi, mais qui n'est pas un bien pour lui. N'est-ce pas? Allah peut te faire un bien, tel que al-mal, ça peut être un bien pour toi, parce que tu vas dépenser sur le chemin d'Allah, mais lorsque lui, il va obtenir ce bien, ça y attra, il va dépasser les limites, et va désobéir à Allah. Donc le fait d'espérer que lui, il ait la même chose que toi, ça peut être détestable. Mais ici, le fait d'aimer pour ton frère, al-istiqama, comment t'estakimu al-addi, c'est-à-dire le fait que toi tu es droit sur la religion, tu es salafi, tu essaies d'appliquer la salafi comme tu dois, tu aimes pour cela pour ton frère, c'est un bien pour lui dans tous les cas. Est-ce qu'on peut dire c'est mal pour lui? C'est un bien pour lui dans tous les cas. Mais c'est ce que nous oublions. Antouhibbali akhik, ma tuhibbuli nafsik, c'est de le conseiller. S'il a une erreur, parce que tu n'aimerais pas faire la même erreur. Tu le conseilles sur son erreur, pour qu'il délaisse son erreur. Voici l'implication de la akhouwa. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la compréhension. Ensuite, il dit, qu'on rawat Aïcha, al-amr bil ghusl yawm al-jumwa. Aïcha a rapporté l'ordre du grand lavage le jour de la jumwa. Qalat, elle a dit, kana an-nas ummal anfusihim. Les gens travaillaient pour eux-mêmes. Fa kanu يُرَوِّحُونَ بَيْهَاتِهِمْ. رَوَّحَ c'est apporter l'odeur. Ça va? يُرَوِّحُونَ بَيْهَاتِهِمْ, c'est-à-dire leur environnement. C'est-à-dire, ils faisaient sentir leur environnement. فَقِيلَ لَهُمْ, et on leur a dit, لَهُ اِرْتَسَلْتُمْ, si vous vous lavez. Vous comprenez? Voilà le hadith de Aïcha, radiyallahu ta'ala an, qui est rapporté par l'imam Bukhari. Wa wadu dilala, le témoin argumentatif min al hadith al-akhir, du dernier hadith, anna taqdim al-kalam, elle a devancé quelle parole? Law iqtasaltum, la kana afdal wa akram. Si vous vous lavez, cela serait mieux et plus complet. Wa hadha yadullu ala al-istihbab. Cela montre le caractère préférable. وَجَاءَ فِي حَدِيثِ آخر, c'est venu dans un autre hadith, أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَّلَّمَ قَالَ, le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم dit, مَنْ تَوَضَّعَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءِ, celui qui prend les ablutions et perfectionne l'ablution, ثُمَّ أَتَى الْجُمْعَةَ, et il va à la Jumu'a, فَاسْتَمَعَ, il écoute, وَأَنْصَتَ, et il s'éteint, غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَ الْجُمْعَةِ إِلَى الْجُمْعَةِ, Allah lui pardonne ce qu'il y a entre une Jumu'a et une autre Jumu'a, وَزِيَادَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ, et l'augmentation de trois jours, Allah lui pardonne. Ce hadith est rapporté par l'imam Muslim, et c'est le hadith d'Abu Huraira. Mais regardez dans le hadith, qu'est-ce qu'il a dit? مَنْ تَوَضَّعَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ أَتَى الْجُمْعَةَ, celui qui prend l'ablution et il perfectionne l'ablution. Et il va pour la Jumu'ah. Est-ce qu'il a parlé de Ghusl ici? Là. قال الحافظ بن حجر, حافظ بن حجر il dit quoi? إنه من أقوى ما استدل به على عدم فرضية الغسل الجمعة. Il dit c'est le hadith le plus solide qu'on argumente avec pour montrer que ce n'est pas obligatoire de se laver pour la Jumu'ah. C'est la parole de l'imam Hafiz ibn Hajar al-Asqalani. طيب. ووجه الدلالة من الحديث, le témoin argumentatif dans le hadith c'est quoi? ذكر الوضوء وما معه مرتبا على الثواب المقتضي للصحة. C'est-à-dire la mention de l'ablution et ce qu'il y a avec l'ablution lorsqu'on le prend comme bonne action, comme asanat. Parce qu'il a dit, Allah te pardonne les péchés entre la Jumu'ah et l'autre Jumu'ah, wa ziyadatu salasat ayyam, et l'augmentation de trois jours. Yadullu, mais ce hadith nous montre clairement, anna al-wudu kafi, que l'ablution suffit. Ça va? L'ablution suffit. Waqtu ghusl al-Jumu'ah, le moment du lavage de la Jumu'ah. Min tulu' il fajr, depuis l'apparition du fajr, c'est le lever du soleil ou bien c'est l'apparition du fajr? L'apparition du fajr. Le fajr c'est quoi? Al fajr sadiq, le fajr véridique. Alladhi yamtaddu fil ufuq. Le fajr kadhib, c'est lorsque tu vas, tu regardes dans le ciel, tu vois une partie, il y a une lumière qui monte jusqu'en haut. Mais regarde à l'horizon, tout l'horizon, tu verras que ce n'est pas pareil. Ça, c'est le Fajr Kadhib. Mais le Fajr Sadiq, la petite lumière que tu vois en bas de l'horizon, ça s'étend, c'est long, ça s'étend sur une grande partie. Ça va? Donc, à ce moment, il est Fajr As-Sadiq. Mais je veux attirer l'attention sur cette mas'ala. Parce que, il y a d'autres même qui ont fait Ramadan complet. Ils n'ont pas prié à Fajr, à la mosquée. Parce que pour eux, Fajr As-Sadiq n'était pas encore sorti. N'est-ce pas? Il y a des frères qui ont fait cela. Hein? C'est vers la fin de Ramadan que j'ai été informé à ce sujet. J'ai appelé le frère, je lui ai demandé. Il dit non, qu'il a écouté un prêche où le prêche dit tant que Fajr Sadiq n'est pas apparu. Je vous dis, en ville ici c'est difficile, Ikhwa. C'est difficile, même si tu veux monter. Tu vas peut-être voir le lumière quelque part là-bas, tu as dit que c'est Fajr Sadiq. Hein? C'est difficile. Aujourd'hui, Alhamdulillah, Allah nous a fait grâce, on a des choses pour connaître le moment. Est-ce que vous comprenez? Natahara, on fait l'effort de regarder le Fajr Sadiq. Si on n'a pas vu, on se base sur ce qui a été dit comme moment. Mais le frère, il a fait tout ce temps-là, il n'a pas prié. Regardez, Ramadan. Grand Ramadan. Pendant tout ce temps, il n'a pas prié Fajr à la mosquée, avec les gens. Il attendait à ce que les gens finissent de prier, et lui sort comme ça, il regarde son Fajr Sadiq. Si c'est sorti, il va faire sa prière. Subhanallah. Donc, quand moi je l'ai appelé, je l'ai demandé, il m'a dit non, vraiment, il a écouté, il dit ok. Demain matin, je vais venir, on va regarder Fajr Sadiq là. Fajr Sadiq, que tu dis, c'est Sadiq là. On va regarder. Le lendemain, il m'appelle, il dit, il n'est pas là. Il dit, bon, le surlendemain. Après le surlendemain, il ne le voit plus. Jusqu'à aujourd'hui, je ne l'ai pas vu. Ça fait partie des ruses. Ikhwa. Du shaitan pour t'empêcher un grand bien. Est-ce que vous comprenez? Fajr Sadiq, c'est ce qui s'étend sous l'horizon. Fajr Kadhib, c'est ce qui est, yani, ça s'étend pas, mais tu vois même, c'est souvent même soulevé, puisque le Fajr Sadiq. Donc c'est de faire attention. Donc du moment de Fajr Sadiq, jusqu'à la prière de Jumu'ah, voilà le temps du lavage. Wal afdal, mais ce qui est meilleur, an yattasila bil ghusl, ça doit être relié au la, yani la Jumu'ah doit être levée, le lavage doit être relié bi zahabi ila al masjid, c'est-à-dire avec le fait de partir à la mosquée, c'est-à-dire lorsque tu vas aller à la mosquée, tu fais le ghusl. Wa idha ahdatha ba'da al ghusl kafa'u al wudu, maintenant si son ablution se gâte après le grand lavage, enfin le lavage, après le lavage, il a eu une impureté. Après le lavage, cela lui suffit de prendre les ablutions. Ça va? Non. Voyakur yuwatul ghusl, le moment du ghusl sort bil farah min salat al jumu'ah, lorsqu'on finit la prière de jumu'ah. Le qawli nabi sallallahu alayhi wa sallam, à cause de la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, izaja ahadukum ila al jumu'ah, si l'un d'entre vous va à la Jumu'ah, fal yaqtasil, qui c'est là. Wa qawluhu, et la parole de l'imam Shawkani, wa l'aïdaini, et les deux fêtes, les deux prières, les prières de fête. Ay yushra'u l'ghusl l'aïdain, c'est-à-dire, il est légiféré de faire le lavage pour les deux prières des deux fêtes. Mais le cheikh dit l'âme yassir Hushein Fizari Kani Nabi Sallam. Rien n'a été authentifié. Waqad da'afa Ibn Mulaqqin. Ibn Mulaqqin a rendu da'if à hadith ghusl al-aidain. Les hadiths qui viennent sur le lavage des deux fêtes. Les prières des deux fêtes. Wa zakara fiha asar an as-sahaba jayyida. Mais il a mentionné des asar, hein, des récits venant des compagnons qui sont bons. Hein? وقال النووي لمام نووي دي في المجموع ومن الغسل مسنون parmi les lavages masnoun sunna ghusl al-aidain, le lavage des deux prières des deux fêtes, wa huwa sunna, c'est une sunna li kulli ahadin bil ittifaq, pour tout le monde, yani pour chacun par le consensus, sawa rijal wa nisa wa sibyan, que ce soit les hommes, les femmes et les enfants. Et annahu yuradu lizina, car on veut par cela l'embellissement, wa kullu min ahliha, et tout cela, ils font partie des gens d'embellissement. Hein? Les hommes s'embellissent comment? Comme les femmes? Voilà. Mais l'embellissement ici, c'est laver, être propre. Al-bazazat min al-iman, la propriété fait partie de la foi. Qawluhu, وَلِمَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا Et aussi, pour celui qui lave un mort. وَرَدَ فِي حَدِيثِ دُعَيْفِ Mais il y a un hadith d'Oaïf qui est venu à ce sujet. وَقَوْلُ النَّبِي وَهُوَ قَوْلُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَلِيَغْتَسِلْ Le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم, il dit, celui qui lave un mort, qui se lave. وَمَنْ حَمَلَهُ Celui qui porte le mort, فَلِيَتَوَضَّحْ Qui prenne l'ablution. Ce hadith vient dans Abu Daoud, Tirmizi, Ibn Majah, et c'est le hadith d'Abi Huraira. Mais ce hadith est d'Oaïf. قال أبو حاتم الرازي اليوم أبو حاتم الرازي سعالم بالعلل والرجال ils sont les deux raziens il y a أبو حاتم et puis أبو زرعة ils ont tous écrit un livre qu'on appelle عقيدة الرازيين العقيدة des deux razi c'est un livre qui est très bénéfique dans l'عقيدة des gens de la sunna non si on a eu le temps on va lire ensemble c'est un livre qui n'est pas très long On peut même finir en 2, 3 ou 4 séances. Lisez-le, c'est un livre qui est très bénéfique. Donc, l'imam Abu Hatim Ar-Razi, il dit « Hada khata ». Il dit « C'est une erreur ».« Innama huwa mawkufun ala Abi Huraira ». Le hadith est mawkuf. Quand il y a hadith mawkuf, le hadith qui s'arrête sur un sahabi. C'est-à-dire, le sahabi ne remonte pas cela au prophète sallallahu alayhi wa sallam. « La yarfa'uhu as-siqat ». Les gens dignes de confiance ne lèvent pas ce hadith au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa qala al-imam Ahmad wa Ali ibn al-Madini. L'imam Ahmad et Ali ibn al-Madini, Hayyatul Wadi. Hein? On l'appelle Hayyatul Wadi, qui veut dire le serpent de la vallée, bimana, à cause de sa science du hadith. Ali ibn al-Madini. Ali ibn al-Madini, il a pris la science avec l'imam Ahmad ibn Hanbal lakin jawaba fil fitna fitna de khalq al Quran il est tombé dans la fitna de khalq al Quran Ali ibn Madini c'est-à-dire il n'est pas tombé pour dire que il a dit al Quran makhluq iqraran bi nafsi là lakin lorsqu'ils ont mis la pression Ali ibn Madini a dit Al-Quran Kalamullah Makhluq pour pouvoir se libérer. Il a pris le hadith de Ammar. Ammar, illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innu bil iman. Mais l'imam Ahmad ibn Hanbal, rahimahullah, il a pris l'engagement. De ne pas parler à tous ceux qui vont répondre à cela, même s'ils sont contraints. Tous les savants. Donc, voilà pourquoi lorsque la fitna arrivait, l'imam Ahmad, dès que Ali ibn Madini a dit cela, l'imam Ahmad lui a coupé la parole jusqu'à sa mort. Jusqu'à sa mort. L'imam Ahmad, lorsqu'il était sur son lit, comme cela vient dans Siyar Alamun Bala, et beaucoup d'entre les livres qui racontent ces récits, Ali ibn Madini est venu. Il a voulu parler à l'imam Ahmad. Lorsqu'il va comme ça, l'imam Ahmad tourne son visage. Il ne lui parle pas. Lorsqu'il vient ici, l'imam Ahmad tourne son visage. Et lui disait chaque fois, Hadith ou Ammar, Ya Abba Abdillah, le Hadith de Ammar, pour montrer que il a été contraint. Mais l'imam Ahmad, il a dit, La ukallim, je ne vais pas parler à la kulli manjawab al fitna. Toute personne qui a répondu dans cette fitna. Il est resté sur cela. Mais est-ce que cela sort Ali ibn Madini de sa grande place de savant des gens de la sunna? Là. L'imam Ahmad, il dit, vous êtes des savants. Si vous répondez à cela, les gens vont vous suivre à cause de cela. Hein? Acceptez d'être tué. Si on veut vous tuer. Voilà pourquoi celui qui est venu dire à l'imam Ahmad ibn Hanbal, il dit, Allah tu jawil fitna, tu Tu ne vas pas parler pour que tu te libères, que le Coran est makhlouk. Il dit, sors, va voir et reviens. Il allait voir des étudiants qui sont arrêtés, qui ont des acclames, des dafatir. Ils sont prêts à écrire que l'imam Ahmad dise quelque chose. Et l'imam Ahmad, lorsqu'il est venu, l'imam Ahmad lui a dit, Tarani, tu me vois sauver ma peau et laisser tout cela dans l'égarement. Hein? Il dit, je préfère mourir que d'ouvrir une porte. Voilà pourquoi il a appelé Imam Ahli Sunnah. Imam Ahli Sunnah. L'imam Ahmad. Donc, Ali ibn Madini, c'est Hayatul Wadi. C'est un grand savant. Et je vous donne un récit de l'imam Bukhari concernant Ali ibn Madini. Il dit, Mahtaqartu nafsi. Imam Bukhari, qui a mémorisé alf hadith. Il dit, Mahtaqartu nafsi fi majlisi ahad. Illa fi majlisi Ali ibn Madini. Il dit, je ne me suis pas méprisé. C'est-à-dire, moi, il est fouillé dans un majlis, sauf dans le majlis d'Ali ibn Madini. Kana Jabal Hifz, Ali ibn Madini. Mais c'est lui qui disait, Haddassani Sheikhi, mon cheikh m'a dit, Ahmad bin Hanbal, Allah uhaddith illa min kitab. Il dit, je ne dois pas donner des hadiths, sauf en me basant sur un kitab. Est-ce que c'est un aïe? C'est pas un aïe. Ali ibn Madini donnait les hadiths avec kitab. Il ne donnait pas avec son hifz. Celui qui est Ali ibn Madini. C'est un aperçu concernant Ali ibn Madini. Donc, Ali ibn Madini qui est Hayatul Wadi. Wa kilahuma imaman fil ilal. Les deux sont les grands imams de l'ilal. Imam Abu Hatim al-Razi et l'imam Ali ibn Madini. Ces deux-là, ils sont les grands imams dans le ilal. Qala, ils ont dit, la yasikhu fi hadha al-bab shay. Il dit, rien n'est authentique dans ce bab-là. C'est-à-dire le lavage des deux grandes fêtes, des deux fêtes. Naqala anhuma et a rapporté de ces deux imams al-imam Bukhari. L'imam Bukhari wa zahir annahuma yuqirruhuma. Mais ce qui est, yani zahir, et que annahu yuqirruhuma. C'est-à-dire il est d'accord avec ce que les deux ont dit, l'imam Bukhari. Donc on va s'arrêter ici. Bismillah, tabaraka wa ta'ala. On aurait pu finir et puis rentrer dans le bab à tayammum. Toyib, on va finir cette petite partie et puis rentrer dans le bab à tayammum. Excusez-moi. Qawluhu wa li ihram. Le lavage aussi pour la sacralisation. Akhraj al-Bazar wal-Hakim wal-Bayhaqi wa ghayrihim an ibn Umar. البزار الإمام حاكم بيحقي ورابطه دابر الإمام دابر ابن عمر قال من السنة ابن عمر دي فباتي دي السنة أن يغتسل الرجل كلهم سلاف إذا أراد الإحرام لسكي فيبران الإحرام صحها هو الشيخ الألباني الشيخ الألباني أو تنتفي سلا دا إرواء الغليل والشيخنا الشيخ علي بن رامدي دي نوتر شيخ سكي مقبل الوادع في الجامع الصحيح إلى أوتنتيفية سلاوسي ورواه ابن أبي شيبة الإمام أبو شيبة ابن أبي شيبة أرابوتي سلا قوله ولدخول مكة يقول أنتري أم مكة سمستحب دفير للاواج يستحب لمن أراد الدخول مكة سيبريفيرا بسولي كيفير أنتري أم مكة أن يغتسل لسلابي لما في الصحيحين à cause de ce qui est dans les deux authentiques, An ibn Umar, Kana la yakdumu Makka, illa min babi zitua. Il ne rentrait pas dans Makka que par zitua. Hatta yasbah wa yaktasin. Jusqu'à ce que il attend le matin et il se lave. Summa yadkhulu Makka nahara. Il rentre à Makka la journée. Wa yadkhulu an nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il a mentionné que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait pareil. قال ابن منذر ابن منذر دي الاغتسال عند دخول مكة سلافي lorsqu'on veut rentrer à مكة مستحب عند جميع العلماء c'est préférable chez tous les savants وليس في تركه عندهم فدية il n'y a pas dans son tarc de فدية c'est-à-dire de compensation وقال أكثرهم la majorité d'entre eux dit يجزو عن الوضوء d'autres disent ça suffit qu'ils fassent les ablutions pour rentrer à Mecca. وهذا الاختصال للطواف. C'est lavage, c'est pour le tawaf. لذلك لا تغتسل الحائض ولا النفساء لدخول مكة للتعذر الطواف عليها. C'est pour cela que celles qui sont en menstrue et en logis ne se lavent pas pour entrer à Mecca, parce qu'elles sont incapables de faire le tawaf. C'est compris? Car ce lavage est pour le tawaf. Donc on va s'arrêter ici, bismillah. Et la prochaine fois, nous allons rentrer dans Bab At-Tayammum. والله تعالى أعلى وأعلم وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا الله أستغفرك وأتوب إليك